Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film à 100 à l'heure. Un meurtre oblige Don Toretto, un ancien taulard en cavale, et l'agent Brian O'Connor à revenir à Los Angeles où leur querelle se rallume. Mais confrontés à un ennemi commun, ils sont contraints à former une alliance incertaine s'ils espèrent parvenir à déjouer ses plans. Non, attends, ne... Ton nom ! Donne-moi ton nom ! Tu viens me passer les menottes, O'Connor ? Non, c'était ma copine aussi. Je viens avec toi. Je reviendrai pas. Mon autorité s'arrête ici. Et là commence la mienne. Qu'est-ce qui m'empêche de leur dire que t'es un flic ? La même chose qui m'empêche de leur dire pourquoi t'es là. Les temps ont changé. C'est clair. Fast and Furious 4, un film de Justin Lin avec Vin Diesel et Paul Walker. Un DVD Universal.